Ça y est, c'est le jour de la transhumance. Les bidochons partent en vacances. Sur l'autoroute, on jette le chat. Le clébard à la SPA. Sur camping-car, la parabole. L'heure de l'apéro, c'est la picole. Une femelle apprivoisée avec monsieur l'invertébré. Les gosses la gueule dans leur smartphone. Les mecs sont cons, les filles sont connes. On fait la queue devant les WC, un peu comme au supermarché. On traîne sa viande jusqu'à la plage. Beaucoup de soleil et pas de nuages. Madame se bronze comme une star. Monsieur boit son verre de Ricard. La soirée cochon grillé, madame débarque toute maquillée. Pour la musique ça sent le caca, on s'éclate sur la lambada. La coupe du monde sur grand écran, la Marseillaise et le vin blanc. Dans les toilettes on va vomir, 5 heures du mat on va dormir. Septembre, c'est l'heure de la rentrée. Les moutons reprennent le collier. Le troupeau repart au turbin. Pendant 11 mois, ils se cassent les reins. Dans notre chat pour les enfants, la bête ne vivra pas longtemps. Écran plasma dans le salon. Gratte ton ticket comme tous les cons.